Yo, c'est Halloween. 9-4-5-100. Trop d'MC devraient prendre un effervescent. Wallahi bilai. Ils savent pas ou quoi? T'es pas con ou quoi? J'suis tellement noir qu'on m'associe à mon Redskins. Sombre est ma couleur, à mon nom on confond même skins. Ma peau est noire comme les belles, j'en suis fier de la mienne. Chienne, galsen, net souche, net sans chaud. J'suis peut-être pas tismé, mais bon des joints tismés. J't'en tiens plus 10, un gang à la coupé. Rodé pour les films X, black ouais. Et ça c'est black, avec des produits comme ça. Matza, les refs et des refs slaves de ça. Le reste seul, j'changerai jamais ma peau comme la pute de Jackson. Je ressens l'atmosphère dans mes veines. Je parle de mon Afrique, même dans mes rêves. Halloween, crime, trop d'MC me font mes skins. Dérive dans la déprime, 9-4 dédié. Voilà B, l'Afrique. Conception verte, jaune, rouge, crip, crip. Pour les gars des villes, mon fric, mon Afrique. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs à Vandaille. Couleur pour, couleur pour. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs. Couleur pourpre, couleur pourpre. Sonore masta sombre, dans la couleur pourpre. Pris en l'air, profonde douleur propre. Ombre sale, bronze dans les halls. Ma peau n'est pas mobile, esclave n'est pas un culte. Visage pâle, envisage la lune de nulle part. Manipule plaque qui s'enrichit dans la place publique. Esprit noir, nouvelle étape. Des branleurs de la BAC qui veulent nos skates. Bas, immature, du bois la baie, ils se masturent. Pris par le prisme de Babylone qui nous balaye et nous méprise. Trop d'esprit, des ballons, brise l'homme. Plaire à la couleur du fric. Death, vêtu de ton trois quarts cuir sombre, dénonce-les. Dénonce-les, Death. Elle a pas l'air de plaire, ma couleur d'Afrique. Celle qu'on fouettait autrefois, aujourd'hui la matraque. Pourtant y'en faut pour que la peau d'un black vire au rouge. Parole de détenu depuis les lustres. C'est le fait de nous voir prendre le pouvoir qui t'irrite. Death, le black se déserte. Filme le délâché, autre déserteur. Ça fait trop de temps qu'on encaisse et se bat. J'crois qu'on le mérite. À vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs à Vandaille. Couleur pour, couleur pour. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs à Vandaille. Couleur pour, couleur pour. Hey yo, S-Bo, nice, nice, black flamber. C'est pour les looks, ils ont mal, mal en soirée. Tu crois qu'on est bon qu'à la brinque, on se dérit de flingue. Bang, bang, bang, oh non. Donne-moi la tamise. On est aussi black d'ici. Africain, trafiquant, sur confiquant. Couleur pour P4, crapurie au top 50. Méga, faire du sang pour. Pourquoi je nous course pour, je fais le tour. La vie tu me fous, fuck là, c'est fait pour. La vie tu me fous, fuck là, c'est fait pour. Black Rasta, fume ton plein ghetto, ça fait rien. Charge flic sale, installe l'humain illégal. Grand, déliancy. Allez comme ça là, un big up au black muslim. Y'en a aussi pour Rabza, ambiance on rail. Rabza, négro, bab, deux, on défouraille. Eh hey, bro, big rap, fous les dos à la biao et ciao. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs à Vandaille. Couleur pour, couleur pour. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni soit nos couleurs à Vandaille. Couleur pour, couleur pour. On est des millions à vouloir le bénéf. Mais y'a rien de béni sur cette terre. Béni.